aucune place pour la fantaisie en ce genre de choses. C'est de la cybernétique au sens de système autorégulé. Tout est défini en lui-même, par lui-même, et même les couleurs sont liées à des séquences mathématiques. Ici, vous avez mon travail sur le Yi Qing. Le Yi Qing dessine des formes en trois dimensions par lui-même, il s'agit encore là d'une mécanique autorégulée, très surprenante, de dessiner des sphères en trois dimensions d'une façon autorégulée par des séquences de chiffres. Je ne sais pas si ça rend bien. Les séquences sont définies par calcul. Comme vous l'avez peut-être vu, j'ai décidé de rendre public là, des cours extraits pour démontrer ce qu'est le mental systémique en musique. Comme par exemple, le compositeur Jean-Philippe Rameau est un des premiers théoriciens de ce qu'on pourrait appeler la musique scientifique. Bach aussi est à mes yeux quelqu'un qui avait un mental systémique au niveau des fréquences et de l'harmonie. Donc, il y a des structures en musique. Et cela, à mes yeux, est extrêmement important. Et c'est peut-être aussi là, le véritable but qui m'échappait de ma venue sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, j'ai un parcours très atypique. J'ai manifesté extrêmement tôt des facultés anormales. Comme par exemple, je me suis mis à faire des phrases complètes avant l'âge de 2 ans. Si jamais des gens sérieux veulent se pencher sur ça, au niveau là, de diffuser de l'information dans le public, je suis prêt à fournir les documents qui en font mention. Aussi, j'ai dessiné des formes géométriques en trois dimensions avant l'âge de 5 ans. Ce qui est, j'ai aussi des documents là, à ce propos-là qui démontrent là, que j'ai un QI très élevé et aussi un mental systémique, certains chercheurs appellent un mental systémique. J'ai décidé finalement de rendre public mes travaux sur le mental systémique au niveau des arts visuels. C'est de la cybernétique, il s'agit de systèmes autorégulés, complètement autorégulés, il n'y a pas de place pour la fantaisie. C'est de l'intelligence qui existe en elle-même en tant qu'information dans le réel, mais qui peut être synthétisée par un esprit humain s'il en a la faculté. J'ai également été là. Je pense, un bon peintre, avant de m'adonner à ce type de recherche-là, j'avais là la capacité de peindre d'une façon hyper réaliste par rapport à ma compréhension de la perspective et de la lumière. Donc, aujourd'hui, je rends public une partie de mes travaux, une très petite partie, pour des raisons là, de bénéfice au niveau du public. Je pense que le public doit savoir qu'il existe des races mentales, car je me considère comme faisant partie d'une race mentale qui n'est pas définie nécessairement par l'apparence, ni par le milieu, mais par les capacités du système nerveux, entre autres, et les capacités de synthétisation. Donc, certains me reprocheront peut-être une immaturité au niveau d'un culte de la science, car je ne suis pas quelqu'un de spiritualisé, mais c'est certain là, que les gens qui ont un culte de la science, qui la mettent au niveau là, comme des dogmes ou des doctrines, oui, ils ont raison. Mais il faut comprendre que la science est d'abord et avant tout une assimilation, une intégration du réel au niveau des lois de l'univers, les lois du réel. Donc, je rends public ces choses au cas où des gens, des chercheurs et des même, si vous voulez, des gens qui voudraient m'appuyer dans mes travaux, je parle ici de gens sérieux, si vous me donnez des coordonnées en commentaire, là, vous pouvez le faire. Moi, je ne suis pas sur Facebook, mais vous pouvez être certain que Si c'est sérieux, moi, je vais répondre. Je vais répondre par rapport à ma boîte courriel privée à moi. Donc, si aujourd'hui, il faut aussi comprendre là, que même si j'étais un peintre qui faisait de l'art réaliste et que j'étais un compositeur qui était lyrique, à un moment donné, il y a eu une intégration de certaines choses au niveau de mon mental et je me suis mis là, à devenir de plus en plus systémique et à avoir une compréhension du monde de plus en plus systémique au sens d'une science. Et je tiens là à mes yeux, il s'agit là de science plus que d'art, ou les deux si vous voulez, de l'art scientifique. Donc, si réellement il y a des gens qui veulent étudier ce type de choses, des gens sérieux, et puis qui voudraient aussi me donner là jusqu'à un certain point un appui dans mes recherches, dans mes travaux, eh bien c'est certain que ce sera bienvenu, même si je ne suis pas à plaindre là au niveau de mon niveau de vie quand même, mais à mes yeux c'est une question de bénéfice pour le collectif. Je pense que l'être humain doit apprendre à atteindre la compréhension de ces choses-là. Comme par exemple, les disques durs de nos jours ne sont pas assez ergonomiques. Il va falloir fabriquer des sphères de silicate transparentes où l'information sera gravée à partir de laser. Ben, ça fait partie là, de choses à venir qui sont inévitables au fond. Or, ça prend des compréhensions au niveau de la cryptographie, si vous voulez. Leibniz, par exemple, n'est pas le découvreur du code binaire, ce sont les Chinois, les Yi Qing, comme mes recherches me l'ont démontré. Mais l'être humain devra encoder l'information d'une façon plus ergonomique dans l'avenir, parce que c'est devenu quelque chose d'indissociable des civilisations au niveau, si vous voulez, de l'informatique. Je ne suis pas un informaticien, je me considère comme un cybernéticien, c'est-à-dire un spécialiste des systèmes autorégulés. Et je pense que le bénéfice pour la civilisation, au point où nous en sommes rendus, pourrait être très grand. Et même là, la possibilité de relancer peut-être des économies sans avoir toujours à avoir à recours à des guerres et à des choses qui, au fond, mettent en danger la vie de l'être humain sur Terre. Donc, ceci, même si moi je ne me prends pas au sérieux, comme je l'ai dit à un correspondant, ce que je fais et ce qui est au-delà, peut-être d'un point de vue subtil, au-delà de ce que je fais, à mes yeux, est d'une grande importance. Donc, s'il y en a qui ont le regard assez affûté pour se rendre compte que oui, il peut y avoir là un bénéfice pour les collectifs, moi, je suis prêt à collaborer avec des chercheurs. Mais comme je vous dis, il faut que ce soit là des gens sérieux qui me contactent à ce niveau-là. Et puis, c'est certain que. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un là qui court, qui veut devenir riche, là. Cela n'a rien à voir. Je pense qu'il y a des choses qui dépassent l'individu et qu'il en va, là, comme je vous le dis, du bénéfice commun. Le petit vidéo que vous venez de voir est un montage de plusieurs vidéos, dont des vidéos que j'avais fait dernièrement, mais que je n'avais pas osé diffuser. J'avais décidé à la dernière minute que je ne le ferais pas. Pour toutes sortes de raisons. Là, s'il y en a encore là de sérieusement qui s'intéressent à ce genre de travaux-là, vous savez, pour savoir certains emplois, il faut passer des évaluations. Je suis prêt à fournir des documents qui attestent que je n'ai rien de délirant, que je suis un hyper-rationnel et que je possède une intelligence supérieure au sens là de des spécialistes reconnus qui l'ont reconnu. Moi, j'ai parfaitement confiance en mes travaux. J'ai parfaitement, c'est si j'avais des doutes, c'est par rapport à, c'est en l'être humain que je doute cette créature-là. Que moi, c'est difficile de l'aimer, d'aimer l'être humain. Moi, je parle pas au sens individuel, mais au niveau du collectif, là, j'ai eu un petit peu de difficulté, puis j'ai certains doutes. Puis je vois venir des événements qui risquent d'en surprendre plus d'un. Savez-vous que le son et la lumière peuvent servir d'armes? Le son et la lumière peuvent servir d'armes maintenant. Il est minuit et moins 5, là. Et puis, beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé m'ont toujours conseillé de ne pas en parler. Ce sont là des choses dont il ne faut pas parler. Même mes petits travaux là, que je fais à temps perdu, mes petites recherches depuis 15 ans que je prends des notes et que je découvre toutes sortes de choses. Et puis, on me dit que c'est inquiétant. Ah, il ne s'agit là que de travaux, au fond, liés à une intuition que j'ai depuis toujours, à savoir que la nature réelle de la forme est fréquentielle. Et puis, ceux qui se sont intéressés à la cinétique, des choses comme ça, devraient le savoir. Si l'être humain comprenait le monde des fréquences, il pourrait matérialiser des choses et les en dématérialiser. Mais là, nous sommes rendus à un point où, comme je vous dis, le son et la lumière peuvent servir d'armes. Il y a des gens, pour se reconnaître entre eux, ils vont dire il est midi, mon frère. Eh bien, moi, je vous dis, il est minuit moins 5. J'ai presque envie de dire étranger, parce que, comme je vous le dis, il y a quelque chose de ma relation avec ce que je pense de l'être humain, des collectifs humains. Je suis un peu misanthrope, mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être avec ce que je vois? Et je parle bien de voir, de ce que je vois. Heureusement, au fond, que certaines recherches m'ont tenu passionné et bon, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à mes recherches. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point ça me satisfait tous les jours de trouver de nouvelles formules, de nouvelles possibilités, de nouvelles applications. Mais possiblement que je ne suis pas tout seul qui a certaines compréhensions. Et il y a peut-être certaines personnes qui ont des capacités semblables, qui ne sont pas aussi bien intentionnées que moi. Donc, il est minuit moins 5. Oui, il est minuit moins 5. Et ceux qui se sont intéressés à ce qu'on appelle les armes scalaires et ces choses-là, moi, mes travaux à moi, même s'il y a des possibilités importantes, il reste que c'est peu de choses. C'est peu de choses par rapport à de possibles horreurs qui s'en viennent. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est de la petite bière par rapport à ce qui s'en vient. Et je pense que les collectifs vont subir des chocs terribles. Des chocs au sens de ce que vous pensez là, de qui est réel en ce monde. Vous allez peut-être vous rendre compte que, quoi qu'il y en a qui s'arrangent pour que le grand public dorme sur ses deux oreilles, mais ça dépend de quel grand public. Parce que ça dépend toujours où vous êtes, quand vous êtes, qui vous êtes. Mais là, le petit vidéo que j'ai fait, je n'en doute pas, va susciter certaines curiosités. Certaines curiosités. On me dit souvent que mes recherches aboutissent à de l'inhumain. De l'inhumain. À mes yeux, le terme humain est péjoratif. C'est péjoratif. L'être humain actuel, la plupart des humains, la grande majorité, ne sont rien d'autre que des anthropoïdes sophistiqués. Et je ne dis pas ça méchamment. Je ne dis pas ça méchamment. Ça fait plusieurs années que je le dis. Je ne l'ai jamais regretté par rapport à ce que je vois. À ce que je vois. Donc, je tiens tout de même là, à vous remercier de votre intérêt parce que moi, je ne suis pas quelqu'un. J'ai quand même espoir là, en l'être humain. Je pense qu'il y a beaucoup de bon dans l'être humain, mais comment est-ce que je pourrais supporter tout ce que je sais si je m'identifiais à l'être humain? Et je ne dis pas ça méchamment. Je ne dis pas ça méchamment. Cela n'a rien à voir. J'aimerais tellement que ce monde devienne quelque chose de logique, de sain, et que ce qu'il y a de beau en ce monde soit rendu à sa pleine mesure, que l'être humain arrive enfin à sa pleine mesure. Mais non, et le cerveau est un filtre. Le cerveau est un filtre qui protège l'ego pour cause d'émotivité. L'être humain est trop émotif et c'est ce qui le rend dangereux, c'est ce qui rend ce monde dangereux. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que la véritable nature de la forme est fréquentielle, donc je ne crains pas, moi, ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, je ne le regarde pas avec inquiétude. Cela ne m'inquiète pas. Et puis, un peu comme des bactéries dans un plat de pétri qu'on met au micro-ondes, tout ça pourrait se terminer très rapidement. Mais cela ne m'inquiète pas non plus. Mais au moins, je tiens quand même à entretenir un espoir qu'il y a possibilité de retrouver un monde sain grâce à une science du réel sortie des dogmes, des doctrines, des idéologies, quelque chose de pragmatique, d'intelligent dans le bon sens du terme, pour éviter que mon ami l'être humain s'autodétruise, qu'il disparaisse. Donc je fais attention à ce que je dis. Et si j'ai décidé de rendre une petite partie, la partie la plus accessible, la plus belle, la plus esthétique, j'ai accepté de rendre cette partie-là de ce que je sais maintenant public, c'est pour des raisons d'humanisme au fond. Pas l'humanisme des Lumières, des notions, des valeurs républicaines, cela n'a rien à voir. Je parle de quelque chose qui est lié à de la sanité, à une logique pure et simple. Donc, s'il est minuit moins 5 et que nous allons vers des événements là, qui risquent, au fond, j'aurai fait ce que je peux dans ma mesure, à mon niveau, à moi. Et on ne pourra jamais m'accuser d'avoir participé à ça. Par contre, ceux qui ne font rien, qui se divertissent comme des diversions de la conscience, eux, quelque part, vont avoir une responsabilité qui est rien par rapport au petit peu de dommages collatéraux que ce que j'apporte pourrait causer. Donc, je vous demande d'essayer de... Il n'y a rien de... On ne sait pas de la science-fiction, là. L'univers est un système cybernétique. L'univers est un système cybernétique. La forme est fréquentielle. La matière apparaît par densification fréquentielle. Et ça, il y a beaucoup de physiciens de nos jours qui le savent. Ils ont là, il y a beaucoup de gens qui sont au courant de certaines choses de façon officielle, qui se disent, si c'est rendu public, les masses vont paniquer. Moi, je pense qu'il vaut mieux paniquer un peu tout de suite que de mourir de folie plus tard ou pour cause de... Je pense que ce que je dis se comprend. Ce que je dis se comprend très bien. Et j'ose espérer que vous n'allez pas l'interpréter d'une façon psychologique où l'être humain vit dans un livre d'images et il se raconte le monde. Moi, ce que je vous dis, c'est de ne pas émotiver ce que je dis, de le prendre pour ce que c'est et de faire attention aux interprétations possibles que vous pourriez faire justement à cause des déformations liées à l'émotivité qui est liée au fait que l'être humain est encore une créature, c'est un animal. Ça, c'est mon opinion. Toute opinion est subjective, au moins, ça, je le dis. Mais, comme je vous dis, les minuit moins 5. Il est minuit moins 5 et il existe des sciences en ce monde qui dépassent l'entendement du commun. Donc, que vous me voyez comme quelqu'un d'excentrique ou de farfelu n'a aucune importance à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est de ne pas avoir à me blâmer, de ne pas d'avoir fait ce que je pouvais. Et comme je l'ai dit précédemment, s'il y a des gens qui sont intéressés à certaines choses, je parle de gens sérieux, moi je vais me montrer disponible, nous trouverons des moyens pour échanger, pour communiquer, pour voir s'il y a possibilité de tirer quelque chose d'utile de ça. Parce que moi ce que je vois qu'on tire d'utile de ces choses-là, ça ne sert qu'à détruire. Comme s'il y avait en ce monde des êtres qui sont incapables de créer, ne pensaient qu'à détruire pour des raisons de domination, Moi, je ne suis pas quelqu'un qui domine, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse dominer non plus. Mais on ne pourra pas m'accuser de ne pas avoir fait ce que j'ai pu à mon niveau, même si c'est peu de choses, c'est très peu de choses au fond. Donc, merci, au revoir et ainsi de suite. Hein, on va faire ça gentil pour ce qui est des convenances. Hein? Faut rester gentil.